Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les expressions avec avoir. Today we're learning expressions using avoir. And you're going to find your list, page 94. To begin with, we're going to work a little bit on the pronunciation. J'ai besoin de, I need. J'ai envie de, I feel like. J'ai honte, I'm ashamed. J'ai peur, I'm afraid. J'ai raison, I'm right. J'ai chaud, I'm hot. J'ai faim, I am hungry. J'ai sommeil, I am sleepy. J'ai 25 ans, I'm 25 years old. Do believe that, won't you? J'ai de la chance, I am lucky. J'ai du mal à travailler. I have difficulties working. J'ai tort. J'ai rarement tort. I'm rarely wrong. J'ai froid. I'm cold. J'ai soif. I'm thirsty. Now notice that all these expressions, which you are going to find in your book, page 94, are all using avoir, whereas in English, most of these expressions use être. Now, let's see if you can answer some questions with them. Dans la classe, tu as besoin d'un livre? Oui, dans la classe, j'ai besoin d'un livre. Dans la classe, est-ce que tu as envie de dormir? Non, je n'ai pas envie de dormir dans la classe de français. J'ai envie de dormir dans la classe de maths. Est-ce que tu as honte dans la classe? Non, je n'ai pas honte. J'ai besoin de parler français. Est-ce que tu as peur du professeur? Are you afraid of your teacher? Non, je n'ai pas peur du professeur. Elle n'est pas cruelle. I hope you agree with that one. Est-ce que tu as chaud, faim, soif, sommeil dans la classe? En général, dans la classe, j'ai faim et quelquefois, j'ai un peu sommeil. Je n'ai pas chaud en général. J'ai froid dans la classe. And as you know, with our air conditioning, you've all been through freezing with me too, right? So, j'ai froid, or j'ai un peu froid, might be a good thing to do. Very indiscreet question. Quel âge avez-vous? J'ai 35 ans. Est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort? What do you think? Am I right or am I wrong? Vous avez tort. That pretty much wraps the avoir expressions for this chapter. So, study well, étudiez bien, et à demain!